watermelon me. De l'œuf. Pablito, drummer, qui fait son solo, qui chante, voilà. Hey. I give you my soul, I give you my love, I give you my strength. l'école. Still, yeah. Can you do everything? Reste maître de ta situation. Beauté. fragilité.